sont les alcooliques, tu pars d'en face, ont du mal à tenir debout. Ça traîne en bas, les gamins deal de l'ecstasy. À tous les polos qui portent la crête et le slim. Sirène, gyrophare, voiture banalisée, autobus sandalisé, population traumatisée. Chanson alcoolisée, aromatisée par le spliff. C'est la saveur de ma rue, viens nous voir, on t'explique. Témoin de la vérité, sans exagération. Douleur hexagonale dans les rues de la nation. Combien comme nous le savent, le vivent. Des millions d'âmes perdues sur un bateau à la dérive. Ça se passe en bas de chez nous, les plus tordus s'y croient, filochés par les stupes, les plumes insinuées. Je regarde ma rue, ce qui s'y passe, je n'y vois rien de bon. Tout en gardant l'espoir que les choses s'arrangeront. Le temps s'écoule, s'écoule en bas de chez nous. Perdu dans la foule, les gamins s'écroulent. Sans retour, jamais la retourne. Car en bas des tours, la jeunesse voit rouge. Car le temps s'écoule, s'écoule en bas de chez nous. Perdu dans la foule, les gamins s'écroulent. Sans retour, jamais la retourne. Car en bas des tours, la jeunesse voit rouge. Je regarde ma rue, ce qui s'y passe, je n'y vois rien de bon. Tous mes frères sont dans le parc, sous musique et dans l'ombre. À capter les ondes, juste à regarder les ombres. Le nez dans les songes, car la raison devient sombre. Les esprits sont perdus, aucun ne demande de l'aide. Ici on s'asphyxie, car ici il manque de l'air. De l'herbe, de la résine, comme rêve ou artifice. Un verre et puis m'amène pour que le bitch le martyrise. Tout part en lieu, qu'est-ce depuis que les jeunes en veulent. On a la rage dans l'œil, les feuilles en deuil s'arrachent dans l'heure. Des ordres et tracas ne sont pas des archives. Car nos rimes sur le papier ne pensent qu'à l'anarchie. Au présent, dans ma tête, on a de l'avance pour la suite. On anticipe l'avenir avant qu'ils prennent la fuite. Je regarde ma rue, ce qui s'y passe, je n'y vois rien de bon. Tout en gardant l'espoir que les choses s'arrangeront. Le temps s'écoule, en bas de chez nous. Perdu dans la foule, les gamins s'écroulent. Sans retour, jamais la retourne. Car en bas des tours, la jeunesse voit rouge. Car le temps s'écoule, en bas de chez nous. Perdu dans la foule, les gamins s'écroulent. Sans retour, jamais la retourne. Car en bas des tours, la jeunesse voit rouge. Je regarde ma rue, ce qui s'y passe, je n'y vois rien de bon. Encore un HLM de plus, ressemblant à un patient. Cette veine nous colle à la peau, attend le moins. Trop faux pas pour nous foutre sur le déco. Apparemment, ça choque pas, on nous martèle. Tous les jours répète que la France a mal nos têtes. Gavé de bras de cramé, tech dans condamné dans le bas d'enquête. De ma voix, malgré les barrières fermées, malgré les faibles densités de nos CV, on reste déterminés, se serrer les coudes. Faut rester tout soudé. Ce monde individualiste cherche à nous diviser. La mélancolie du Pernod me rappelle que mal est profond. L'optimisme nous a quittés depuis les dernières élections. En bas chez moi, ça rigole, ça picole, ça se cajole. C'est bruyant, les lascars se retrouvent tous dans les bagnoles. Je regarde ma rue, ce qui s'y passe, je n'y vois rien de bon. Tout en gardant l'espoir que les choses s'arrangeront. Le temps s'écoule, en bas de chez nous. Perdu dans la foule, les gamins s'écroulent. Sans retour, jamais la retourne. Car en bas des tours, la jeunesse voit rouge. Car le temps s'écoule, en bas de chez nous. Perdu dans la foule, les gamins s'écroulent. Sans retour, jamais la retourne. Car